Moustache sur le nez de Hervé Blutch. Épisode 2. Effondré. Eh bien, tout ça m'a l'air parfait. Mais enfin, quand même, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Tout est normal. La tension est bonne, le cœur est régulier. Les examens sanguins nous apprendront peut-être quelque chose, mais je ne crois pas. Mais la physionomie de Judith, ce voile sur sa peau... Une pâleur, un effet d'éclairage. Avec toutes ces ampoules économiques, la lumière est tellement blafarde, ça modifie les espaces, les reliefs, ça joue sur nos perceptions. Il ne faut pas croire que c'est sans dégâts. Et c'est encore pire avec les modèles d'entrée de gamme. La lumière est vraiment insupportable. J'avais une tache sur le nez. J'ai frotté un petit peu avec un gant de toilette, est-ce que... Non, vous avez bien fait. Reposez-vous quelques jours, le temps de retrouver des couleurs, mais surtout ne vous inquiétez pas. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir. Je vous raccompagne. Tu étais étrangement calme et je ne savais pas quoi penser. Je te distinguais à peine derrière ton nouveau visage. Tu étais quelque part là derrière et je ne te trouvais plus. Et pourtant, à ce moment-là, tu n'étais pas si différente d'avant. Mais tu n'étais déjà plus ton visage. Et ton visage était tellement une part de toi que je m'escrimais à la chercher derrière le nouveau, avec beaucoup de peine. C'était hyper compliqué. Et je me disais que si j'avais été un peu meilleur en philo, tout ça aurait sûrement été plus simple. Parce que c'est vrai, on imagine souvent les philosophes comme des mauviettes. N'empêche que dans ce genre de situation, ils ont des outils autrement mieux affûtés. Alors moi je lui ai dit... D'accord, Maud. Écoute, de toutes les manières, tu ne me laisses pas tellement le choix, non ? Ben oui. Mais c'est compliqué, tu comprends, parce que maintenant, ce type, tu vois... Et voilà. Maintenant, ils vont vivre ensemble. Et c'est les mômes, quoi. Ça me fait un truc, les mômes. Parce qu'il va vivre aussi avec les mômes. Il va beurrer leurs tartines, il va lasser leurs chaussures, il va les aider à faire leurs devoirs, et il va leur dire des choses, il va prendre de l'aval sur eux. Claude était passé à l'improviste. C'est mes gamins quand même. Tu travaillais dans notre chambre et j'espérais que tu n'allais pas débarquer dans le salon. Connaissant la délicatesse de Claude, je n'avais pas très envie qu'il découvre le phénomène qui t'affectait. Alors, à la rigueur, qu'il entre dans la vie de Maud, d'accord, tu vois. Je veux dire, j'ai pas été là, j'étais complètement dans mes trucs, mais les mômes, c'est autre chose. J'arrive pas à me faire à cette idée qu'il va les emmener au bowling ou faire du VTT ou de la muscu et qu'ils vont aimer ça en plus. Qu'ils vont aimer ce type et que ce sera un modèle pour eux. Ça me fait chier, quoi. C'est physique. Ça me fait mal au bide à chaque fois que j'y pense. Ils sont petits, Laura et Anthony. Ils vont être complètement chamboulés. Ils vont perdre leurs repères. Et il va les polluer, tu vois. Il va les polluer, mes mômes, ce connard. Salut, Judith. Salut, Claude. Je vous dérange pas longtemps. Antoine, t'as pas vu mes petites pancartes ? Tes pancartes ? J'étais scotché. Non ? C'est quoi, ces pancartes ? Claude ne se rendait compte de rien. Une signalétique pour apprendre aux enfants à identifier la nature des aliments qu'on leur sert à la cantine. C'est pour l'inauguration de la semaine du goût. On fait une animation avec la mairie. Ah oui, oui, c'est vrai, ça va être la semaine du goût. Nous, on fait un stand de pilage 2000 avec Afrique Espoir. Dans la cuisine ? Non ? Tu les as pas laissés dans la cuisine ? Et je suis parti dans la cuisine. Est-ce que c'est moi ? Je me disais, oui, est-ce que c'est moi qui projette quelque chose sur vous toi ? Vous savez qu'au Sénégal, il y a des paysannes qui viennent piler le mil tout autour du grand marché de Dakar ? Ça fait un parouf du tonnerre, c'est extra. En revanche, j'imagine qu'en termes de qualité nutritionnelle, ce n'est pas formidable. Non, non, c'est pas génial du tout. Mais d'ailleurs, c'est ça l'idée du stand. On fait une partie un peu marrante pour attirer les mômes, on les fait taper dans le mortier avec le pilon, mais c'est surtout pour les sensibiliser à l'envers du décor. Quand tu piles, c'est pas juste 3 minutes. Et ce que tu piles, c'est en plus pas très bon. Montrer aussi qu'en termes de goût, nous, on est vachement privilégiés. On a accès à plein de goûts, pas eux. C'est bien. Et puis, c'est un autre genre d'impact que la mini-ferme que nous ressort chaque année la chambre d'agriculture. Hein. Avec les bottes et les chapeaux pour jouer au fermier, avec 3 poules, 2 cochons. Puisque ni Claude, ni le docteur Adam ne semblent y trouver à redire. Est-ce qu'on ne serait pas trop familier pour que je remarque le moindre petit changement qui t'affecte ? J'étais dans une espèce d'excitation bizarre. Je me disais, tout va bien, on s'est fait une montagne derrière. Quand on voit les dégâts de l'agriculture intensive, je trouve que c'est un peu se ficher du monde, tu vois. J'ai trouvé tes pancartes, Biquet. Elles étaient sur le lave-vaisselle. Ah, merci, Biquet. Bon, j'y vais, moi. Salut, Claude. Salut, Judith. En raccompagnant Claude à la porte, j'étais enfin détendu. J'ai trouvé un peu palote, Judith, non ? Tu trouves ? Ouais. Je sais pas, c'est space. Un peu blafarde. Ou alors c'est moi ? Ouais, je trouve tout blafard en ce moment. Allez, rentrez bien. Ciao. C'est arrivé quelques jours après. Je mangeais mon muesli et tu es rentré dans la cuisine. Tu t'es regardé dans la glace ce matin ? Je t'ai demandé si tu t'étais regardé dans la glace quand j'ai compris que les mots ne sortaient plus de ta bouche. Je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ce bordel ? Une demi-heure après, on sonnait. J'étais sous la douche. C'était le maire à l'interphone. Mon Dieu, oui, ton rendez-vous ? L'inauguration de la semaine du bout. Et toi, tu étais allé répondre. Tu lui avais ouvert la porte de l'immeuble. Et moi, j'avais arraché le rideau de douche. Je ne voulais pas qu'il voie ton visage. Ça n'était pas possible qu'il te découvre comme ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Frédéric Lemaire. Votre mère. Et Judith a dû vous parler de moi. Oui, mais Judith n'est pas là. Judith est déjà sur place. Je croyais que nous étions convenus que je passais la chercher. À cause des accessoires. Nous devons faire ensemble une petite présentation de produits et elle... Oh mon Dieu. Tu te tenais au milieu de la pièce, le visage emmailloté dans ton rideau de douche qui te donnait une allure complètement fantomatique et un peu angoissante. Un chador. Un niqab. Un hijab. Un voile intégral. Une burqa. Il y a tellement d'appellations à ce truc. Judith est devenue musulmane. Non. Et sous nos yeux éberlués, tu te lançais dans une espèce de transe pour te dégager du rideau, nous dévoilant l'horreur de ton nouveau visage. Qui est-ce ? C'est Judith. Elle n'était pas comme ça à la mairie, quand je l'ai vue. Elle n'était pas comme ça. Et c'est nouveau. C'est complètement hallucinant, vous voulez dire. C'était... Une tache sur le nez, de Hervé Blotch. Avec... Quentin Bayot, Antoine. Agnès Pontier, Judith. Joachim Salinger, Claude. Laurent Lévy, le docteur Adam. Jean-Baptiste Verquin, Frédéric Lemaire. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Arnaud Chapat. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Sophie Aude Picon.